Dès qu'on s'est rencontrés, tu m'as bien ausculté. Loin des plaisirs artificiels, tu m'as mis au régime sensuel. Quand tu as pris mon corps en main, je suivais un mauvais chemin. Depuis ce temps, tu ne fais pas mine, tu me soignes à coups de vitamines. Dès mon premier bilan de santé, tu as très vite diagnostiqué qu'il fallait commencer les soins par un traitement beaucoup plus sain. Alors on a positionné tous les points vitaminés sur ton corps très motivé par cet enjeu pour ma santé. Dès qu'on s'est rencontré, tu m'as bien ausculté. Loin des plaisirs artificiels, tu m'as mis au régime sensuel. Quand tu as pris mon corps en main, je suivais un mauvais chemin. Depuis ce temps, tu ne fais pas mine, tu me soignes à coups de vitamines. Vitamine A, au creux des bras. Vitamine S pour la tendresse. Le traitement semblait scientifique, en suivant l'ordre anatomique. Les consonnes et les voyelles, comme dans la soupe au vermicelle. Mais avant d'arriver à Z, t'as voulu arrêter le remède. Ça s'arrête, je me sentais encore dyslexique et les doses homéopathiques. On a recommencé à réviser jusqu'à G, mais on n'en voit pas la fin, on finira nos jeux demain. Pourquoi demain? Ta thérapie vaut indigo pour pas finir analphabète. Je suis tes conseils à la lettre, ça va me guérir de tous mes maux.